swing avec le toit ouvert. Let's go, mon soleil. S'amuser jour et nuit sans parler de soleil. Let's go, mon soleil. On va goûter la vie à notre plat dessert. Let's go, mon soleil. Si c'est pas toi, c'est qui, tu connais mon couvert. Let's go, mon soleil. Abîmer ton brushing avec le toit ouvert. Let's go. Caraïbes, Mix FM. Mix FM. Coucou Claire. Big Bang on the track, yeah. Ça joue du méril dans le bendo. Ici c'est chaud, la misère c'est chiant. Le Paris t'es si chaud, donc c'est moi qui dirige. Tout le monde connaît nous, mais nous pas connaît yo. Dans mes fêtes pour le gros fucking chapeau. Tout le monde connaît nous, mais nous pas connaît yo. Dans mes fêtes pour le gros fucking chapeau. Ouais parti, quitter yo en l'autre planète comme Mika Ben. Yo trop hypocrite, yo tout ça m'a mis cagem. L'union fait la force, si toute maille enchaîne la force. Pour point de bas qui s'en toujours tout seul. Pour nous faire vite le sim, comme à la Willy Boys. Pour nous mener en good life, pour nous mourir dans good life. Pour nous faire vite le sim, comme à la Willy Boys. Pour nous mener en good life, pour nous mourir dans good life. J'aimerais être en tank. Pour toi, capillon à dans banque. C'est chaud, là où il fait pas de cadeau. Outil dans le sale cadeau, ça joue du méril dans le bendo. Ici c'est chaud, la misère c'est chiant. Le pari décision, donc c'est moi qui dirige. Tout le monde connaît nous, mais nous pas connaître yo. Dans mes fêtes pour le gros fucking chapeau. Tout le monde connaît nous, mais nous pas connaître yo. Dans mes fêtes pour le gros fucking chapeau. Ici c'est chaud, des pipitis, c'est des bons vivants. Jalousie à péquer, mais non tout vent. Bon Dieu merci, toujours en vie, même si certains pas contents. Pas dans la rue, pas des amis, où ça fait bien mauvais temps. C'est en fierté, quand il est dans le ghetto. Nous allons dormir, nous allons le métaux. Ada Willy Boy, si les réseaux, Dari à chaud, il pleut métaux. I love my ghetto, shout out to my zone. Mais ça passe, mais la boule, on est cassé. J'aimerais être en tank. C'est chaud, là où il fait pas de cadeau. Outil dans le sale cadeau, ça joue du méril dans le bendo. Ici c'est chaud, la misère c'est chiant. Le pari décision, donc c'est moi qui dirige. Tout le monde connaît nous, mais nous pas connaître yo. Dans mes fêtes pour le gros fucking chapeau. Tout le monde connaît nous, mais nous pas connaître yo. Dans mes fêtes pour le gros fucking chapeau. Raga, Zouk, c'est le son des Caraïbes, Mix FM.